Vous écoutez Culte, le podcast culturel. Aujourd'hui, Jean-Michel Basquiat, celui qu'on appelait l'enfant radieux de New York. Peintre, icône de l'underground, malheureusement membre du club des 27, je vais vous expliquer comment il a réussi à inspirer l'Amérique et finalement le monde. Tout commence très tôt pour Basquiat. Littérature, art, musique, science. Il est précoce et il s'intéresse à tout. À la fin des années 70, le jeune de Brooklyn part de chez lui, pour la street de New York. Traîne chez des potes, dans des squats, et survit en vendant des cartes postales et des collages. Il était passionné de graphe, et surtout de Ramelzi. C'était le graffeur le plus important dans les années 70-80 à New York. Il traîne avec le milieu underground. Et c'est à cette période qu'il commence à se faire un nom. Plutôt un blaze. Same O, pour Same Old Shit. Il couvre rapidement les murs de Manhattan de son pseudo, de poèmes, et se lie d'amitié avec les graffeurs. À cette période, on le trouve dans les clubs branchés, le Club 57, le Mud Club, et fréquente la jeunesse artistique de New York, Diego Cortez, Blondie, Kissaring. Et pour lui, du graffiti à la peinture, il n'y a qu'un pas, très vite franchi. Basquiat se met à peindre sur tout ce qu'il trouve, des frigos, des portes, des fenêtres. SDF, pendant longtemps, lui arrive souvent de peindre sur le mobilier de ceux qui l'hébergent. Et à ce moment-là, Seymour commence à intriguer, et finit par se faire une certaine réputation dans le milieu artistique de l'East Village. Il continuera à graffer comme ça en solo jusqu'à ses 19 ans, mais il signa bientôt la fin du projet, par une inscription. Seymour is dead. Le prodige. Voilà comment le monde de l'art new-yorkais appelait Basquiat à l'âge de 20 ans. Celui qui allait bientôt réconcilier les street artistes avec les galeristes et le milieu branché. Ça a été un des bâtisseurs de la street culture et de son explosion. Mais sa vraie percée artistique se fait un an plus tard, en 1981, quand ses peintures sont exposées à côté d'artistes comme Kissaring et Robert Mapplethorpe. Ça y est, la légende est née. Puis c'est rapidement la consécration pour lui et tout ce qui l'accompagne. Argent, sexe, drogue, célébrité, soirée mondaine. Il sort avec Madonna, défile pour comme des garçons. Basquiat est le plus précoce. C'est le plus productif et le plus clivant. En fait, il est la représentation de l'âge d'or de New York des années 80. Et comme Kurt Cobain, Jean-Michel Basquiat est insaisissable. Il est instable, mais il est au sommet. Basquiat est New York. Il peint New York, il incarne New York et il inspire New York. Et c'est le premier peintre noir à faire la couverture du New York Times. Pour celui qui déclara quand même « Je ne suis pas un artiste noir, je suis un artiste », artistiquement alors. Eh bien c'est l'artiste de la fusion. Il mélange les images, les collages, les mots, les disciplines. Il fait du sampling. Son art c'est une énergie fulgurante, au service des révoltes et des cultures. C'est un style énervé. On ressent l'énergie de la rue, la colère. Il y a de l'intensité dans ses toiles. C'est un travail sauvage, souvent marqué par l'urgence. et c'est donc avec rapidité qu'il peint son époque. Il dessine ses références partout où il peut. Des crânes, des mots, des couronnes à trois pointes et les plus grands boxeurs. Et à 23 ans, il devient ami avec Andy Warhol. Il l'a toujours aimé et admiré. C'est pour lui un modèle qui deviendra son mentor. Et de cette amitié naîtra une fructueuse collaboration. Et c'est plus de 100 tableaux communs, combinant leurs deux styles si particuliers qui seront peints. Basquiat, c'est celui qui a réussi à mettre le street art au rang des beaux-arts. Mais bon, la carrière de Basquiat fut aussi intense qu'elle sera courte. Et c'est sa mort, violente, d'une overdose à 27 ans qui mettra un terme à son œuvre. Mais l'enfant radieux laissa derrière lui un héritage énorme. Plus de 800 tableaux, 1500 dessins. Jean-Michel est aujourd'hui devenu un mythe. Le temps a donné une dimension au nom. Et il inspira les plus grands artistes, des street artistes, des rappeurs. Kanye West, Jay-Z, Rick Ross font souvent référence à lui dans leurs textes. Mais aussi la mode, qui s'est vite emparée de son image. Supreme, Off-White, Kenzo, qui dessinèrent des collections à son effigie. Et comme l'a déclaré Fab Five Freddy, Jean-Michel a vécu comme brûle une flamme, répandant une véritable clarté. La flamme s'est éteinte, mais la chaleur demeure sous les braises. Culte.